de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La voix de Céline, puis une chanson de Barbara. Est-ce que c'est un extrait du film Boy Meets Girl ? L'étrange interview. On est gêné pour l'intervieweur. Et puis, on s'habitue, non pas au silence de Léos Carax, mais à sa difficulté à parler ou à l'ennui qu'il manifeste. Le directeur de l'image, de la lumière, Jean-Yves Escoffier, est présent, heureusement. C'est tout le contraire des interviews telles que je les mène ordinairement. À vous, Claude Jean-Philippe, dans le Cinéma des cinéastes, diffusé le 25 novembre 1984, à l'occasion de la sortie en salle du film Boy Meets Girl. Oui, nous sommes habitués aux entretiens alertes, et bien voici un très différent. Léos Carax, parfois, fait jouer son magnétophone pour répondre. Vers la fin de l'émission, Claude Jean-Philippe dit « Une dernière question, Léos Carax ?»« Non, » dit Léos Carax, à peu près à cette vitesse. Voilà, ayant vécu dans bien des endroits, et sous des climats différents et dans des conditions différentes, je me trouve à présent prié de donner mon impression sur mes chefs-d'œuvre dans un décor de chaises électriques. Mais ça ne va pas me troubler du tout, et je vais dire tout ce que j'en pense, et personne ne m'empêchera de parler. Eh bien, voyez-vous, je vais aller vite, parce que je crois que ces choses-là coûtent très cher. Il faut donc être ménagé de ces mots. La nuit va s'achever, que déjà ta main s'est glissée légère, légère. À peine sortie du sommeil, à peine tu t'éveilles, que déjà tu cherches ma main, que déjà tu frôles mes reins. L'aube blafarde par la fenêtre, l'aube blafarde va disparaître, c'est beau, regarde par la fenêtre, c'est beau, regarde le jour paraître. À chaque jour recommencer, à se vouloir, à se vallier, à se perdre, à se déchirer, à se battre, à se corresser. À se démonter les marins, mille fois perdu déchirant, mille fois perdu renouvelé, pour rester émerveillé. Printemps, hiver, automne, été, tu t'en souviens, c'était hier, printemps, automne, été, hiver. À peine tu m'avais entrevu, et déjà tu m'avais retenu. À peine tu m'avais souri, et déjà je t'avais choisi. Mon indocile, mon difficile, et puis docile. Mon si fragile, tu es la vague où je me dois, tu es ma force, tu es ma loi. Dans la chambre s'est glissée l'ombre, t'aperçois dans la pénombre. Tu me regardes, tu me guettes, tu n'écoutais pas. Je m'arrête. Au loin, une porte qui claque, il pleut. J'aime le bruit des flaques. Ailleurs, le monde vit, ailleurs. Mais nous vivons là, mon cœur. M'enroule au creux de toi. Et tu t'enroules au creux de moi. Le temps passe vite à s'aimer. À peine l'avons-nous vu passer. Que déjà la nuit s'est glissée légère, légère. Ta bouche à mon cou, tu me mords. Il fait nuit noire au dehors. Ta bouche dans le sommeil, je t'aime encore. À peine je suis endormie, que déjà tu t'endors aussi. Ton corps à mon corps s'est fait lourd. Bonsoir, bonne nuit. Mon amour. Les choses s'organisent d'elles-mêmes. Il faut d'abord que je vous explique que cette entrée en matière. Notre invité d'aujourd'hui au cinéma des cinéastes s'appelle Léos Carax. Il a réalisé un film qui s'intitule Boy Meets Girl ou A Girl. Girl. Boy Meets Girl. Il est accompagné de Jean-Yves Escoffier, qui est responsable, qui est le directeur de la photographie de ce film. Caroline Champetier est en face de moi. Et Léos Carax est arrivé avec un petit magnétophone. Et vous avez entendu successivement Louis-Ferdinand Céline et Barbara. Faut-il, Léos Carax, vous demander une explication pour cette entrée en matière ? Moi je les aurais pas cités, mais j'aurais aimé être son contemporain, avoir 20 ans au début du siècle, et puis la seconde, je suis très fier d'être son contemporain. Ça, c'est quelque chose qui me donne, ça va me donner un peu d'élan pour causer. J'ai regardé Léos Carax, les articles publiés dans la presse à propos de vous et de votre film. Et j'avoue que je suis très intimidé par le fait que vous êtes quelqu'un de très silencieux. Et j'éprouve un grand mal à forcer les silences. D'autant que ce que vous dites, par écrit, me semble... Bon, alors, vous permettez que je cite des choses écrites de vous dans Libération, dans le petit journal que vous avez rédigé cette semaine, Journal d'un cinéaste par Léos Carax dans Libération. Alors, voilà, je vais essayer de vous lire, si vous permettez. La vie m'a fermé, le cinéma m'ouvre. Cinéma, je veux dire cet art léger, de la dentelle. Un peu plus vite. Je reprends. Non, on peut... Non, je reprends. La vie m'a fermé, le cinéma m'ouvre. Cinéma, je veux dire cet art léger, de la dentelle, pas les gens autour qui pèsent tonnes et tonnes. Alors là, je suis obligé d'expliquer qui pèsent tonnes, T-O-N-E-S, et tonnes, T-O-N-T. Alors, eux, point de suspension, Moi, ils m'ont fait camion et malade. Le prix à payer. J'ai installé une barre de gymnastique chez moi pour soigner le cinéma qui manque d'exercice. L'époque est dangereuse, il faut la santé. La modernité, c'est la confusion. N'importe qui aujourd'hui peut être journaliste, policier ou critique. Ça fait peur. Mon quartier est infesté de policiers et de critiques. Je vais déménager. Pourtant, la critique de cinéma est le plus beau métier du monde. Après, réalisateur de films. Le critique doit rêver tout haut le cinéma à venir. Avec bel espoir, belle hargne, il doit préparer des pistes d'atterrissage pour les ovnis, crier que tout est enfin déjà toujours encore à l'infini possible, vanter le risque et la brutalité, cracher sur les fausses valeurs et la violence. Il doit être garde du corps splendide, ogre langlois, producteur-poète. Oh là là, mais non, non, la critique 84 est un œil mort, elle gère la crise, comme tout le petit monde qui s'en nourrit, repère d'anciens combattants et de collabos. Voilà un exemple du style écrit de Léos Carax, qui semble être beaucoup plus à son aise quand il écrit et quand il filme que quand il parle. Et nous nous trouvons là devant le paradoxe absolu du cinéma tel qu'il va, c'est que c'est vrai qu'on demande aux réalisateurs de parler de leur film. Je suppose que Léos Carax, vous en passeriez bien. Pour revenir à la santé, moi, je non, parce que j'ai envie de faire l'acteur un jour. Alors, j'essaie de jouer à ce jeu-là. Mais non, c'est très spécifique au film. Je crois que là, j'ai pas l'impression. C'est pas. Bon, moi, je peux parler, mais c'est ce truc dans Libération. C'était plus parce que justement, quand je parlais, c'était pas reproduit, ou les gens savaient pas reproduire. Parce que je pense, je dis ailleurs que les on se sert pas du magnétophone dans les interviews modernes, et même si on s'en sert, on sait pas retranscrire. C'est pour ça que j'ai commencé avec cette bande, l'émission-là. Mais la sortie, je la ressens. En fait, je crois plus qu'on. Bon, je me mets un peu d'acteur et puis je pense que les gens. Enfin, j'ai le sentiment d'être un acteur, voilà, qui aurait joué dans un film, qui aurait eu le premier rôle. Et le réalisateur serait mort avant la sortie et puis je viendrais le défendre, le film. Voilà. Je me mets dans cette peau-là, donc je peux parler facilement. Bon, une fois mis dans cette peau-là, est-ce que vous pouvez dire au nom de ce réalisateur d'où il vient Ah oui, là, je peux plus, pas du tout, non. C'est ça, non. Là, je peux parler du prochain, je peux parler des gens qui ont travaillé dessus, et puis c'est tout. Est-ce que vous acceptez qu'on en parle, nous? Allez-y. Bien, alors, il se trouve que Caroline et moi avons vu le film, et que, pour ce qui nous concerne tous les deux, vous êtes, je crois, très enthousiaste, d'après ce que vous m'avez dit au téléphone, et moi, je suis... c'est effectivement un film que j'admire beaucoup pour sa singularité, pour ses images, pour... la singularité également de ceux qui, des acteurs précisément, qu'il incarne. Il y a réellement quelque chose de beaucoup plus singulier que neuf, à mes yeux, dans Boy Meets a Girl. Et je crois que c'est cette singularité-là, parce qu'après tout, nous sommes affamés de quelque chose de réellement singulier, qui fait le prix de Boy Meets a Girl, à mes yeux. Mais je crois, vous, Caroline, que vous avez été... plus sensible que moi à ce film. C'est pas singulier, parce qu'en même temps, il rejoint des films. J'ai eu l'impression de renouer, alors que quelquefois, je me sens très divorcée avec le cinéma. J'ai eu l'impression de renouer avec des films qui m'ont emballée il y a longtemps. Des films muets, par exemple. Il y a un moment formidable où l'actrice Mireille Perrier, avec un mouchoir, m'a semblé sortir absolument du cinéma muet. Et c'est ça que j'ai aimé. C'est l'idée que, finalement... le cinéma primitif, le début du cinéma, l'invention, elle était dans ce film tout près. Et l'espoir était formidable. L'espoir qu'apporte ce film, pour moi, est formidable. Léos Carax. Je crois qu'il se fiche absolument de ce qu'on dit, après tout. Ah, non, pas du tout. C'est notre histoire. Je crois que c'est notre histoire notre histoire de spectateur de pouvoir parler de ça? Je suis sûr que non. Qu'est-ce que vous pensez de ce que nous venons de dire, Léo Scarrax? J'attendais un peu plus parce que ça m'intéresse, quoi. Si on devait me dire une seule raison pourquoi vous défendriez à fond le film de Carax, je crois que c'est parce qu'il filme des enfants. Ça fait des années au cinéma, des années qu'on n'a pas vu des enfants filmés comme ça, même chez des grands cinéastes, décédés récemment. J'ai jamais vu depuis longtemps d'enfants filmés comme ça. Alors ça, si on pouvait lui poser une question au cours de l'émission, j'aimerais savoir le rapport qu'il entretient avec les enfants. Si, alors, le magnétophone est là. Ah, que les hommes ont donc la mémoire courte. Se peut-il qu'en devenant des pères, ils oublient aussitôt qu'ils ont été des fils? Tout de même, elle voulait bien, sûrement qu'elle voulait bien. En tout cas, elle se laissait faire. Le sentier était devenu trop étroit. Ils n'ont plus pu aller de front. Elle allait devant, lui derrière. Et pourtant, il continuait à tenir sa main. Bien que ce ne fût pas commode, il continuait à la tenir par la main. C'est pourquoi il y a des moments où rien ne peut être changé, sans quoi tout change. Des moments où rien ne peut être dénoué de nous, sans quoi tout est dénoué. Alors... Tant de couleurs, car ma rubis, je mettrai plus d'une heure à choisir un vernis, ça m'est égal. Il y en a 100 si le rouge est également la couleur du sang, si belle, si belle et inutile. Mais ce sont vos valeurs dont je trouve utile. Si belle, si belle et puérile. Mais ce sont vos discours que je trouve infantiles. D'autres gens meurent, ça m'empêche pas de danser, ni eux de mourir d'ailleurs. Des crânes explosent, bang dans leur casque, qui passe du nez qui monte, visible sur mon masque. Des crânes explosent, bang dans leur casque, qui passe du nez qui monte, visible sur mon masque, visible sur mon masque. Parce que par rapport à la mort de d'une jeune actrice récemment, qu'il fallait pas se ficher des gens modernes, quoi. Parce que même si moi je me sens, donc j'ai dit, hein, plus du 19e, que je pense qu'il y a une émotion, puis il y a une modernité qu'on peut partager avec des gens, comme je sais pas, un peintre peut, voilà, avec sa muse. Et Moi, j'aime bien, donc ça, c'était Lio. Je peux dire Lio parce que sur France Culture, c'est... on ne doit pas la passer. Et c'est une chanteuse de variété. Et c'est une enfant aussi. Jean-Yves Escoffier, j'ai regardé également votre entretien dans Le Monde où vous racontiez votre collaboration avec Léos Carax. Alors, j'aimerais que vous parliez, du film comme vous l'avez, de votre rencontre avec Léos Carax et du film tel qu'il s'est réalisé sous vos yeux et avec un sens de l'image que je dois reconnaître tout à fait sidérant. C'est un des plus beaux noirs et blancs que je connaisse. Et il y a dans ce film une lumière qui est elle aussi tout à fait singulière. Alors je voudrais que vous racontiez très simplement comment les choses se sont passées. C'est assez vaste à dire, mais bon, peut-être que ce qui vient de se passer est un exemple. Simplement, on ne peut pas attaquer les problèmes de lumière de front. Ils résistent beaucoup, soit par le langage, soit par la différence des expériences, soit par les problèmes de production qui sont toujours présents, très fort présents. Ce qui vient de se passer est un petit peu significatif, par exemple, de la manière dont s'est engagé le travail, parce que Léos et moi, on ne se connaissait pas du tout. Il y a eu une première rencontre, comme ça, et petit à petit, au fur et à mesure d'émotions, au fur et à mesure de détours, et en prenant bien soin de prendre les décisions le plus tard possible, finalement, les choses apparaissent dans ce qu'elles cherchent à être, et... dans un premier temps, c'est ce que je pourrais dire, ce qui est très général et peut-être insatisfaisant, je sais pas. Non, pas du tout, non. Vous exprimez dans un langage non mais que je trouve magnifique, parce que c'est un langage littéraire, et il me semble que ça convient parfaitement au film. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce que nous sommes en train de faire actuellement, moi, me convient totalement, parce que c'est tout le contraire d'une interview telle que je les mène ordinairement et au fond je suis le premier à nager à l'intérieur de ces découvertes. Bon, ce qui était bien, c'était que justement le travail pour une fois n'était pas ordinaire, c'est-à-dire que souvent les règles du travail sont un peu absurdes ou très très très comme ça compliquées, je veux dire mal compliquées, et là c'était plutôt plein de bon sens sur les émotions, par exemple. Dans la mesure où, quand on souvent cette phrase est reprise de Céline qui dit « au début était le verbe, non, au début était l'émotion », si on ramène ça au film, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que des émotions sont venues des images, même si elles étaient déjà un peu préméditées, c'était plutôt vers elles qu'il fallait aller, quoi. Parce que à ce moment-là, les images se faisaient. Et pour ça, c'était bien, parce qu'on pouvait travailler et qu'il aime travailler. Ce qui est rare, il aime travailler, il fait tout pour ça. Bon, alors, il y a cette rareté, c'est vrai, bon, c'est que quand je parlais de singularité, en fait, c'était de rareté que je voulais parler, bien sûr. Et il y a l'émotion. Alors, je crois que quand Céline parle de l'émotion, je crois qu'il en parle surtout dans les entretiens avec le professeur Y, il ne s'agit pas de l'émotion au sens banal du mot. Il s'agit de quelque chose. Non, mais il s'agit de quelque chose de. Il n'a que ce mot pour dire cette chose, mais qui est quelque chose d'au fond très, très, très difficile à définir. Je peux peut-être poser la question à Léos Carax là-dessus. Si je vous demande, Léos Carax, qu'est-ce que l'émotion, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Moi, j'avoue que je n'ai pas de réponse. Enfin, l'émotion au sens où Céline l'entend. Avec Jean-Yves, que la technique, c'était les relations humaines. C'était ça, l'émotion, pour ça qu'on a travaillé ensemble. Je pense que Jean-Yves, moi, j'ai pas demandé, enfin, on a pas, c'est pas parti, le choix est pas parti de son image des films d'avant. C'est parti de lui. Après, j'ai découvert, c'était peut-être aussi. Jean-Yves, il a été opéré à 9 ans, à cœur, on lui a retiré le cœur, et puis on l'a remis. Et puis j'ai vu sa cicatrice parce qu'on a été au hammam quand on préparait le film. Et je me suis dit que, voilà, quoi, si moi j'avais besoin d'une greffe un jour, c'est lui que je demanderais, que si jamais sur le tournage j'allais flancher, tout ça, il me sauverait. Et puis ça a été le cas. C'est quelqu'un qui respecte beaucoup la vie et les émotions. Donc, même s'il n'y a pas plus différent, enfin, on est très différents, ben, c'était bien. C'était, enfin, je veux dire que il crée l'émotion lui-même, et je crois que le film. Le film doit beaucoup à lui, et puis aux deux visages des acteurs, et ce qui se passe entre lui et les acteurs aussi. Et ce qui se passe entre. L'émotion, c'est ce qui se passe, c'est ce qui voyage à toute vitesse entre deux personnes, et lui s'occupe de lumière, c'est ce qui est censé aller plus vite. Bon, c'est pour ça qu'il doit être doué pour l'émotion. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai envie de vous interroger là-dessus, parce que c'est une des choses qui m'a le plus frappé en regardant le film, c'est à quel point vos comédiens, eux aussi, étaient rares, aussi bien dans leur dans la découverte que nous faisons d'eux, que dans leur façon de s'exprimer. Alors, est-ce que vous pouvez un peu parler de votre rencontre avec ces comédiens, puisqu'ils ne sont pas là? J'aurais aimé leur poser des questions aussi éventuellement, mais vous êtes là pour en parler peut-être. Ben, le comédien, moi, je l'ai choisi, quoi. C'est-à-dire, c'est à peu près mon seul travail. Ça a duré un an, mais ça aurait pu durer 20 ans. Sauf que j'avais fait un autre film, évidemment. Là, la jeune fille, Mireille Perrier, donc c'est quelque chose d'évident dans le visage, dans la voix. Je pense que elle a vraiment une voix, un visage, et puis de par sa vie, quelque chose qui rejoint les. Déjà, ça donne envie de faire un personnage de femme tragique, qui est ce qui manque au cinéma, je trouve, de féminin, un personnage féminin. Et que là, voilà, c'était quelqu'un qui traversait toute l'histoire, comme ça, du cinéma, en tout cas du siècle. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui. Je veux dire qu'elle a beaucoup à voir avec des actrices comme il n'y en a plus, comme Liliane Guiche ou Oran de Mazis. Je pense que c'est une actrice de chez Pagnol, en fait, voilà. Et c'est ce qu'il me fallait parce que je voulais qu'elle parle peu, mais quand elle parle, c'est quelqu'un qui ne devait pas bouger, d'où son personnage tragique, alors que le garçon bouge beaucoup, enfin, physiquement au moins. Et elle fait des claquettes, mais sur place, quoi, disons. Alors c'était important. Elle a un monologue dans le film, voilà, mais ça, c'est un truc que je vois sans honte du tout. Et puis le garçon, il s'appelle Denis Lavant. Et alors lui, je cherchais quoi Denis Lavant, je l'ai beaucoup cherché, quoi. Qu'est-ce que je peux dire que... Est-ce que je peux intervenir là? Non, c'est-à-dire que... ce qui me frappe... J'ai le privilège, comme ceux qui nous écoutent peut-être, parce qu'ils ont déjà vu votre film qui est sorti depuis 3 jours. Ce qui me frappe, c'est le contraste très étonnant entre lui et vous. C'est-à-dire que lui est quelqu'un de semble-t-il, déterminé, extérieur, enfin, qui s'extériorise, et qui parle. Et vous, il semblerait que vous soyez... Le même personnage, mais tourné vers vous-même. À ce moment où il parle à une fille dans une cuisine. Moi, je suis pas dans une cuisine avec une fille. Là. D'accord. C'est tout. Non, moi, je parle beaucoup, des fois. Il parle pas beaucoup dans le film, il voit beaucoup. Il voit, il est là, disons... Disons que nous, on est là à côté de lui. C'est quand même le regard de ce personnage qui nous fait voir un peu plus loin. Bon, y a une chose qui m'a étonnée et que j'ai, en y repensant, je trouve avoir un sens, c'est que il a dû avoir des boutons quand il était jeune ou enfant. Et il a une peau qui est un petit peu vérolée. Et dans le film de Forman, le personnage de Salieri, qui est également un regard dans le film, a une peau un petit peu vérolée. Et ça donne un relief absolument incroyable à un visage, mais on se dit aussi que c'est des gens qui arrivent à voir par tous les pores de leur peau. Parce que, bon, ils ont pas simplement le trou des yeux, le trou du nez ou de la bouche, ils en ont quelques autres. Et ça, je trouve ça... Comme j'avais trouvé incroyable que Godard prenne un personnage roux pour jouer dans Prénom Carmen, là, je trouve qu'avoir pris un personnage qui a des cicatrices sur la figure et que Escoffier ne les ait pas masquées, d'ailleurs, ça aurait été d'une certaine manière difficile, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est des cicatrices. Mais il y a un moment très, très étonnant dans le film, pour prendre un exemple précis, c'est le moment où il va au café et où il a ce froncement tout à fait extraordinaire que j'ai jamais, qui est absolument indescriptible. Il faut vraiment le voir quand il fronce les pour regarder le garçon de café et qu'il a sa moment d'humour tout à fait prodigieux. Enfin, c'est parce qu'il lui refuse un ballon, parce qu'après une certaine heure, on sert plus de ballon, alors que le type à côté, on lui a servi un ballon. Alors, je me suis demandé, moi, si c'était une façon d'être de la personne du comédien, ou bien si c'était une indication du metteur en scène. Dans mon souvenir, c'est une chose qui est apparue à la prise. Tu me dis si je me trompe. Mon souvenir, c'est ça. Il fallait être drôlement fâché. Alors, il est drôlement fâché. Et moi, je trouve qu'il est drôle, comme... Keaton aurait fait ça un peu comme ça, je crois. Oui, c'est, l'expression est admirable, drôlement fâché. Oui. Bon, alors, Jean-Yves Escoffier, bon, je voudrais quand même qu'on sente un peu le déroulement de ce film. Vous avez très, très magnifiquement résumé ce déroulement, mais j'aimerais qu'on y entre un peu plus. C'est-à-dire que vous avez lu un script détaillé ou bien... J'ai lu un script détaillé, très détaillé, et pour information, si vous voulez, les choses qui ont changé dans le script sont des textes qui concernent la séquence de la cuisine. En deux mots, c'est ça. Un script très détaillé, dont on pouvait absolument pas lire, effectivement, tout ce qu'on voit maintenant, parce que de toute façon, c'est un outil pour Léos, peut-être un script, et que lui détient ça suffisamment bien pour pas encombrer un document qui doit être lu sans trop de difficultés assez rapidement, et qui suffit comme ça. Je veux dire, c'est pas une chose qu'il aime voir circuler, le script. Lui, il le détient, il peut en parler. Souvent, j'ai essayé de le tester à plusieurs semaines d'intervalle pour voir si c'était des choses du moment qu'il disait. C'était pas du tout des choses du moment, c'était des choses qu'il pouvait me redire plein de fois. Et bon, parfois il ajoutait ou il changeait des choses, mais le script lui-même était tout à fait établi, me semble-t-il. Combien de temps avez-vous passé, Léos Carax, sur l'écriture de votre script? Bah, c'est le premier film, celui-là, une vingtaine d'années, plus les années, puisque c'est très piqué ailleurs, plus les quelques années au 19e, au 18e siècle. J'ai piqué pas mal. Non, celui-là, je peux... Celui-là, je ne vois pas où il a commencé. Le prochain, je peux dire, voilà... que j'ai commencé là récemment et qui sera fini à la fin de l'été. Mais celui-là, je ne sais pas. Alors, dans votre journal tenu pour Libération, vous vous défendez contre les références et contre le passé, contre votre propre biographie. Enfin, contre tout ce qui est de l'ordre d'un passé ou de parents. Et l'expression revient... l'idée que vous voulez être un orphelin, enfin, à travers l'entretien avec vous dans Le Monde également. Et pourtant, vous vous réclamez de la modernité telle qu'elle remonte jusqu'au 19e siècle. Là, j'aimerais pas... Moi, c'est parce que je veux... J'aime pas qu'on me foute des pères dans le dos ou des fils. Je pense qu'il y a d'autres gens qui doivent pas aimer ça, surtout des... Enfin, des, voilà. Et puis que si c'est des histoires de famille, c'est donc très privé. Et puis, je trouve ça très, très dégueulasse de la part des journalistes, et puis même très paresseux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... non, je vous comprends d'autant mieux que... Je vous comprends d'autant mieux que la... Que c'est vrai que la paresse, de notre paresse, aussi bien des journalistes que des critiques, consiste à ramener de l'inconnu, c'est-à-dire un film nouveau, qui est fatalement inconnu, au connu. C'est-à-dire à d'autres films qui ont été faits, à d'autres cinéastes qui ont fait des films, de manière à nous protéger contre cet inconnu-là. Or, quand on voit votre film, on voit bien que c'est un saut dans l'inconnu. Oui, il ne veut pas parler de ses pères, mais moi, je crois qu'il parle de ses grands-pères, là. Je suis d'accord qu'on n'a pas envie de parler de ce d'où on vient directement, mais de ce qui est un tout petit peu plus loin, le grand-père ou l'arrière-grand-père, on en parle. Léo Scarrat, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. On a entendu Guitry, il a parlé de Pagnol. Ils sont là. Oui, parce que... Bizarrement, c'est moins dégueulasse de parler d'eux parce qu'ils sont pas là. Ils sont pas là, ils sont morts. Et en même temps, il y a quelque chose, il y a un adjectif et un mot tout compte fait qui compte, semble-t-il, beaucoup pour vous et qui a provoqué, je crois, l'intérêt à Cannes pour votre film et qui a provoqué l'intérêt de la presse pour votre film, puisque une double page dans Le Monde, c'est rare pour un premier film. Une double page dans Libération, c'est rare pour un premier film. Je crois qu'il y a c'est le mot contemporain. Effectivement, il y a dans Boy Meets a Girl quelque chose de foncièrement contemporain. Et c'est un mot que vous employez volontiers. J'aimerais que, comme pour l'émotion tout à l'heure, vous parliez simplement de ce mot et de ce qu'il recouvre. C'est évident, quoi, qu'on est contemporain. On ne peut parler qu'à des contemporains. Bon, ben, vous avez peut-être 30 ans de plus que moi. Moi, j'ai peut-être le même âge que mademoiselle. Et puis Jean-Yves a 10 ans, je crois, de plus que moi. Donc, si vous voulez, moi, je verrai... Normalement, si tout se passe bien pour moi, dis-moi. Je verrai plus de films que vous. Vous serez déjà partis, moi je continuerai à en voir. Enfin, je verrai des femmes que vous verrez jamais. Tout ça, enfin, si ça se passe comme j'ai prévu les choses. Tout ça, bah, ça m'intéresse, quoi. D'un autre côté, vous avez connu des femmes qui maintenant sont un peu vieilles. Vous avez vu des films qui sont rayés ou qu'on passe plus. Alors, il y a des gens, je sais pas, dont j'aurais aimé être le contemporain, moi. Voilà, enfin, je passe beaucoup de temps à regretter de ne pas avoir vu des choses, et puis même en étant contemporain de l'époque, je trouve qu'elle n'est pas, elle est pas contemporaine d'elle-même, elle retarde. Donc ça me frustre aussi, ça. Ça me met en colère, quoi. Des choses comme la Lune, quoi, on n'est pas synchrone avec la Lune, par exemple. Parce que si on a envoyé quelqu'un il y a je sais pas combien de temps, c'est pas normal qu'aujourd'hui on en soit là. Alors, contemporain, je sais pas quoi dire là-dessus. Non, vous en parlez très bien. Bon, Jean-Yves Escoffier. Il y a une chose sur contemporain, il y a une chose. Caroline. Je sais pas si vous pouvez pas l'avoir vécu, je sais pas si Jean-Yves l'a vécu. Moi, petite, je regardais Nounours, Nicolas et Pimprenel. Alors, tous ceux qui ont vu Nounours, Nicolas et Pimprenel et qui se sont endormis, parce que finalement ce film surgit du rêve, qui se sont endormis le soir après avoir regardé cette émission, qui c'était encore des marionnettes. Il n'y avait pas les feuilletons super sophistiqués qu'il y a maintenant. C'était des marionnettes animées, quoi. Non, moi je n'étais pas née, Caroline, au moment où... Ben non, voilà. Vous auriez dû brancher vos magnétoscopes. Mais en tout cas, ceux qui ont vu ça, et ça je le sais parce que j'ai parlé avec beaucoup de jeunes gens de 20 à 25 ans, pour ça c'est c'est une force incroyable de revoir des choses qui, dans l'enfance, qui font qu'on a des ancrages très précis dans l'enfance, quoi. Et dans ce film-là, on en retrouve, et plus d'une fois. Parce que c'est vrai que les cinéastes qui ont pignon sur rue aujourd'hui, les pères dont il ne faut pas parler, même si on les admire et si on les aime, ils nous volent notre enfance, à nous qui en avons une qui est finalement plus récente que la leur. Et retrouver la nôtre comme ça, ça c'est une très bonne surprise. Jean-Yves Escoffier, vous avez donc vécu la préparation du film, son tournage, et puis je suppose que vous n'êtes pas venu au montage, en tout cas. Le plus possible, sans trop déranger. Le plus possible, sans trop déranger. C'est-à-dire pas beaucoup, mais enfin, avec Léo, on continuait un peu d'en parler. Et je trouve que de toute façon, le montage, comme le film d'ailleurs, lui appartient assez, pour pas trop encombrer, quoi. Chaque fois que c'était nécessaire ou qu'il me le demandait, je faisais part de mes sentiments et de fait, surtout, de faire ce qu'il avait envie de faire. Parce que des fois, c'est pas toujours facile. Ça résiste, soit dans le temps, soit à travers les partenaires du montage et tout. Et il faut qu'un film soit ce qu'il a envie d'être. Alors voilà, c'est tout. C'est le rapport au montage au film. Que le film soit ce qu'il a envie d'être. Justement, c'est de là où je voulais en venir. Vous, quand vous voyez le film aujourd'hui, maintenant, sur un écran, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Je vois le film, une partie du film qui a eu envie d'être. Pour pas m'étendre trop, je dirais simplement cette chose qui était présente dans le travail de préparation, de tournage et peut-être encore maintenant. C'est que faire un film comme ça, c'est difficile pour une production, etc. Et Léo avait ce projet par rapport aux choses qui étaient écrites de les tourner. Première importance. Deuxième chose qui est absente du film, et c'est pas son fait à lui, mais c'était pas possible. Il me disait chaque fois un peu que dans toutes les séquences, une fois qu'il a été tourné ce qui devait l'être, il aurait aimé disposer d'un temps X pour essayer de recréer des situations imprévues. Reprendre un peu tout ce qui avait été fait pour essayer d'ébranler tout ça ou de voir ce qui pouvait apparaître. Ça n'est pas dans le film. Et peut-être que c'est une frustration très grande. Voilà. Léo Scarrax, est-ce que vous ressentez cette frustration, vous, quand... D'abord, est-ce que vous avez envie de revoir votre propre film ? Ça m'arrive. Et qu'est-ce que vous ressentez par rapport à lui ? Maintenant, je veux dire, aujourd'hui. Bah, je pense qu'il y aura la suite. Le prochain. Bon, parlons du prochain. Il y a une phrase dans tout ce que j'ai lu. Il va être brutal. Il va être brutal, mais vous dites aussi avoir le courage de faire une comédie. Oui, mais pas tout de suite, quand même. Le prochain ne sera pas une comédie. Non. Pourtant, alors pour en revenir, excusez-moi de faire un flashback sur Boy Meets a Girl, mais l'humour de Boy Meets a Girl est une chose qui fait une grande partie de son prix, tout de même. Je trouve, par exemple, que la séquence du téléphone au milieu des bébés est une chose d'une drôlerie et d'un humour d'une très très très grande finesse, d'autant que rien n'est réellement appuyé pour provoquer le rire et que là on est vraiment dans du très très bel humour. Alors, je crois que l'humour c'est quelque chose qui vous attache beaucoup, non ? Oui, mais c'est le cinéma, ça se fait vraiment pas seul, ça se fait contre des gens. C'est ce qui est le plus dur, c'est d'être drôle contre. Drôle de colère, quoi, drôle de. Pour emmerder le monde un peu. Et c'est très dur parce qu'on peut toujours vous dire ce qui m'arrive tout le temps, par exemple dans les rapports avec les journalistes, que c'est pas drôle. Enfin, moi, quelque chose que je trouve drôle, c'est pas forcément drôle, donc. Comme il y a. Si vous voulez, dans ce film-là, c'était. Moi, je me suis dit, je vais tout essayer dans celui-là, parce qu'il n'y a pas de raison. On me file sans brique autant que j'essaye tout. C'est peut-être le dernier. Donc, j'ai essayé des choses comme ça, voilà. Mais c'est, on les paye très cher. Enfin, c'est pas... parce que les gens ne sont pas drôles. Hein. Et puis, sur un tournage, c'est... Il y a des forces qui font que, qui, c'est même pas les gens, c'est même pas leur faute, mais il y a un tel poids, quoi, que c'est pour ça qu'il n'y a pas de comédie aujourd'hui, quoi. Le cinéma, ça manque, c'est pas léger aujourd'hui. C'est-à-dire les bons films sont légers, généralement. Et aujourd'hui, tous les films sont lourds. Et puis ça plaît, en plus. Et le prochain ? Je vous ai arrêté au moment où vous commenciez à en parler ? Parce qu'après tout... Le prochain, je m'étonne moi-même de passer d'un film à l'autre, comme un cinéaste, en fait. Parce que les gens me demandaient, c'est quoi le prochain ? C'est quoi le prochain ? Alors, il y aura un prochain, puis je me suis dit oui. Le prochain, alors là, je vais être encore plus déçu qu'avec celui-là, parce qu'il est très ambitieux. Moi, il parlait de scénario, Jean-Yves, et puis j'écoutais, et puis il disait que le script, bon, il y avait un script qui existait, tout ça, c'est vrai. Mais oui, dans le scénario, moi, je mets absolument tout. Je ne vais pas citer de nom, mais je me prends pour... Mais ce n'est même pas des cinéastes, d'ailleurs, c'est plus des écrivains. Je me dis, si j'étais Balzac, quel scénario j'écrirais, par exemple. Et alors, après, je me retrouve devant un truc, je suis complètement incapable de filmer ça. Et puis, c'est une lutte entre ça et moi. Il y a comme deux mouvements dans le cinéma, qui serait un mouvement où on va vers ce qu'on ne sait absolument pas faire, ou ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire les étoiles ou la lune. Et puis, un mouvement où on rentre très fort à l'intérieur, mais à toute vitesse, quoi, il y a autant de distance. On cherche la partie la plus mystérieuse qui est en soi. Alors, le scénario, c'est lieu où s'affrontent ces deux mouvements. Et après, on tourne. Et en tournant, bon, il y a d'autres forces qui arrivent, qui est que quand même, ça emmerde. Ça, c'est... Parce que les gens veulent savoir ce que vous faites. Alors, vous dites, mais taisez-vous, je suis en train de faire. Ils vous disent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et vous dites, mais... silence. Et vous n'avez pas envie de dire silence non plus. Même pas moteur, à la rigueur. Et puis... Et les gens vous disent couper tout le temps. Et après, vous arrivez avec un film, comme dit Jean-Yves, décevant, parce que vous avez été coupé à droite, à gauche. C'est pas des questions tellement d'argent, de combien de temps, tout ça, même si ça joue. Et on vous laisse pas travailler dans votre coin, quoi. Même quand vous faites un petit... Ça, c'est quand même... C'est un petit film, celui-là. Un petit film, donc, ça se fait quand même plus dans le coin que d'autres films, moi, je suppose. Hein. Qu'un film qui coûterait... Parce que celui-là coûte 25... Enfin, 250. Il est quand même... enfin, voilà. Nous sommes au bout de cette émission, Léo Scarrax et Jean-Yves Escoffier. Alors, moi, je vous propose de la terminer comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire que votre magnétophone, pardon, est là. Et après tout... Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras. Je regarde ma montre, ce bracelet montre qui continue à vivre au bras des soldats tués, qui poursuivra son tic-tac dans quelques minutes sur mon cadavre. Et j'avais tant de choses à vous dire, et je ne les ai pas dites. Et il me semble bien qu'il ne me reste pas le temps de vous les dire, et peu importe, puisque ces mots que je dirai n'ont pas plus de réalité que le reste. Mesdames, messieurs, voici mon toast funèbre. J'étais le véhicule d'une force qui veut vivre à ma place. Qu'elle vive, elle verra ce que c'est. Je rentre dans la bouche du zéro dont je sors. Je lève mon verre de rhum. Vous savez à quel genre d'invité on le propose. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, je te reconnaîtrai à lire ton visage, il y a tant et tant de temps que je t'attends, tu me tendras les mains, je n'aurai qu'à les prendre, mais consoler les voix qui pleurent dans ta voix. Je t'apprivoiserai les lumières éteintes, tu n'auras rien à dire, je reconnaîtrai bien le... tout petit garçon, un dragueur solitaire qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus, qui ne savait jouer qu'aux billes ou à la guerre, qui avait tout donné mais n'avait rien reçu. Si je venais vers toi, je viendrais sans bagage, que t'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, tu me reconnaîtrais à lire mon visage. Il y a tant et tant de temps que tu m'attends, je te tendrai les mains, tu n'aurais qu'à les prendre et consoler les voix qui pleurent dans ma voix. Tu m'as pris boiteur et les lumières éteintes, je n'aurais rien à dire, tu reconnaîtrais bien la toute petite fille aux cheveux en bataille qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus et qui aimait la pluie, le vent et la paille et le frais de la nuit et les jeux défendus. Quand viendra ce jour-là, sans passe et sans bagage, nous partirons ensemble vers un nouveau printemps qui mêlera nos corps, nos mains et nos visages. Il y a tant et tant de temps que l'on s'attend. À quoi bon se redire les rêves de l'enfance, ou à quoi bon se redire les illusions perdues? Quand viendra ce jour-là, nous partirons ensemble, à jamais retrouvés, à jamais reconnus. Une dernière question, Léos Carax, avant d'envoyer notre générique final. Non. Bon, eh bien très bien, alors envoyons le générique final. Le cinéma des cinéastes par Claude Jean-Philippe, avec la participation de Caroline Champetier qui recevait Léos Carax et Jean-Yves Escoffier le 25 novembre 1984 à l'occasion de la sortie en salle du film Boy Meets Girl. The song that you were hearing all